C'est l'histoire d'une pauvre petite fille riche, comme dirait Claude François. L'histoire d'une très riche héritière américaine qui a sombré dans le terrorisme avant de se repentir, de rentrer dans le rang et de recouvrer le luxe douillet de la jet set après seulement 21 mois de prison. Autant le dire d'emblée, l'affaire Patricia Hearst n'a jamais été éclaircie. Et Monsieur X croit savoir pourquoi. Mais, comme il le dit souvent, n'allons pas trop vite. Patricia Hearst est la petite fille du célèbre magnat de la presse, William Randolph Hearst, l'homme qui a inventé la presse à sensation et inspiré le Citizen Kane d'Orson Welles. Au début de 1974, elle vit en Californie et étudie l'histoire de l'art à l'université de Berkeley. Berkeley, au cœur de la contestation étudiante qui agite les campus depuis 1968. Guerre du Vietnam, revendications noires pour les droits civiques ont contribué à la création de mouvements radicaux et même terroristes. Et le président Nixon, pourtant confortablement réélu en 1972, commence à tanguer à cause du scandale du Watergate. C'est dans ce contexte qu'apparaît une mystérieuse organisation clandestine au nom étrange, l'Armée de Libération Symbionnaise, qui se cache derrière ce groupuscule qui va tout de suite user de la violence pour se faire connaître. Quels sont ses objectifs et pourquoi cette armée symbionnaise enlèvera-t-elle Patricia Hearst un jour de février 1974? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles entend répondre Monsieur X. On l'a un peu oublié, mais la revendication étudiante et plus généralement des jeunes a été extrêmement violente aux États-Unis dans les années 60 et 70. Et puis, sans exagérer, on peut dire que leur mai 68 a duré presque 10 ans et a donné naissance à des mouvements clandestins qui n'ont pas hésité à recourir à l'action armée. Un seul chiffre. Entre septembre 1969 et mai 1970, 300 attentats à l'explosif ont été commis outre-Atlantique. Oui, mais leurs auteurs réclamaient essentiellement la fin de la guerre du Vietnam. Ah, pas seulement, ils entendaient aussi faire la révolution en menant une véritable guérilla urbaine et en attaquant les policiers, enfin ceux qu'ils appelaient les PICS. Ouais, les cochons. Ouais, et puis il y a les organisations noires, comme les Black Panthers. Bref, enfin, les gentils hippies du début des années 60 sont devenus de méchants garçons. Et de méchantes filles, car dans ces organisations radicales, les filles sont nombreuses. Ouais, c'est aussi... Et souvent en pointe. Ouais, ouais. C'est aussi l'éclosion du mouvement féministe. Hein. Évidemment. Ouais. Encore un mot avant d'en venir à notre affaire. Ces organisations violentes recrutent la plupart du temps chez des jeunes gens éduqués, issus de la classe moyenne ou même supérieure. Alors, l'armée symbionnaise de libération, la SL, ou SLA en anglais... Ouais. Attendez, avant d'aller plus loin, ouais. Pourquoi cette appellation insolite, sinon ridicule? La symbiose, vous savez ce que c'est. Oui, c'est l'union entre deux organismes vivants. C'est ça. Un champignon et un arbre, par exemple. Mm-hmm. Et bien, dans l'esprit des créateurs de l'ASL, continuons à la nommer ainsi, il s'agit de réaliser la symbiose entre les Noirs et les Blancs, mais aussi entre les ouvriers et les bourgeois. Mm, c'est un peu confus, tout ça, non? Ah, je suis d'accord avec vous, mais les militants de l'ASL mélangent beaucoup de choses. Du maoïsme, un mode de vie hippie, un peu d'orientalisme, et le nécessaire recours à l'action armée, d'où des entraînements militaires. Et puis aussi une folle admiration pour les guerrilleros sud-américains, surtout pour un mouvement révolutionnaire argentin qui a pratiqué un enlèvement pour obtenir des distributions de vivres pour les pauvres. Mmh. Et alors, qui sont exactement ces militants-là? Faut d'abord dire qu'ils sont une poignée, enfin tout juste une vingtaine. Et alors qu'ils prônent la symbiose entre noirs et blancs, ils ne comptent dans leur rang qu'un afro-américain, comme on dit aujourd'hui, leur chef, un certain Donald Freeze, ancien voyou et taulard. Mais on reparlera de lui, car il joue un rôle essentiel dans cette affaire. Et les autres, alors? Au bol, ils sont tous des fils et filles de bonnes familles, des familles souvent très conservatrices. Ce sont des étudiantes de Berkeley, des idéalistes assez brillants, certains d'entre eux étant déjà diplômés, et qui se sont rencontrés en prison. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Ils ont été emprisonnés? Ah, pas du tout. Mais beaucoup d'entre eux étaient des éducateurs bénévoles qui venaient en aide aux détenus noirs, dans les prisons américaines de l'époque. Mais enfin, ça n'a guère changé. Les détenus noirs étaient en effet les plus nombreux. Et pour ces étudiants blancs et contestataires, il était évident que les prisons étaient des sortes de camps de concentration conçus presque exclusivement pour enfermer les noirs. Les noirs qui devenaient alors pour eux des prisonniers politiques. Mais c'était entièrement faux ? Naïf, en tous les cas. Mais c'est vrai que dans les prisons, l'idéologie Black Panther séduisait de nombreux Afro-Américains. Ils y entraient non politisés, ils en sortaient politisés, c'est ça ? C'est à peu près ça. Et nos militants de la future ASL n'y étaient pas pour rien. Car pour la plupart, ils ont rejoint une association d'extrême-gauche qui faisait de la propagande dans les prisons californiennes. Et alors, si je vous suis bien, c'est donc derrière les barreaux qu'ils vont rencontrer Donald de Vries. Tout à fait. Alors, un petit mot sur cet Afro-Américain qui est au centre de votre récit. Volontiers. Le parcours de ce jeune homme noir né pendant la Seconde Guerre mondiale est malheureusement sans surprise. C'est un enfant d'une famille nombreuse et pauvre de Cleveland. Donald n'a pas 14 ans quand il quitte les siens. Et presque naturellement, il bascule dans la délinquance. Vol, séjour en prison, enfin rien d'original. Mais en 1969, ça devient plus sérieux. Quoi alors ? Un hold-up. Et il se retrouve détenu dans la prison de Vacaville, en Californie. Et là, il fait plusieurs rencontres. Enfin, ça, j'y reviendrai, car c'est peut-être une des clés de l'affaire. Enfin, quoi qu'il en soit, ce type assez charismatique devient le leader d'une association de détenus. L'association culturelle noire. Alors, il a des dispositions de dirigeant. Incontestablement. Et il impressionne ces jeunes blancs bien élevés qui viennent en prison éduquer leurs frères noirs. Et les aider à se forger une culture politique, j'imagine. En effet. Trois ans plus tard, De Vries est transféré dans la trop célèbre prison de Soledad. Mais il n'y reste pas longtemps, à peine trois mois, car il s'évade. Ce qui n'est pas une masse à faire dans une prison états-unienne. Oui, vous avez raison. On en reparlera peut-être. En tout cas, dès ce moment-là, De Vries trouve refuge chez ses amis étudiants de Berkeley, dont quelques-uns vivent dans un appartement communautaire à San Francisco. Et c'est là, dans cet endroit où règne une assez grande liberté sexuelle et où l'on projette à longueur de journée des films sur la Révolution, que va naître l'armée symbionnaise de libération, l'ASL. Et le charismatique, c'est vous qui avez dit ça, De Vries va en devenir le chef. Oui, parce qu'il adore commander, mais aussi parce qu'il est le seul noir. Il symbolise donc la symbiose à lui tout seul. Et il entend bien imposer sa discipline au sein de ce petit groupe d'exaltés. Séances d'autocritique, entraînement aux armes à feu, on ne rigole pas tous les jours dans cet appartement communautaire où chacun, femme et homme, a dû adopter un pseudonyme. De Vries, par exemple, non sans grandiloquence, se fait appeler le maréchal Cinque, du nom d'un esclave du 19e siècle qui s'était rendu maître du navire espagnol qui l'emmenait, lui et ses compagnons d'infortune, vers le Nouveau Monde. Et comment alors va se manifester cette ASL ? Pour exister, il lui faut nécessairement se faire connaître par un événement marquant. Et c'est assez consternant. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se lancer dans une action terroriste complètement contre-productive. Je vous raconte. Pour la première fois, la ville d'Oakland, près de San Francisco, a élu un noir au poste de superintendant des écoles. Cet homme, Marcus Foster, est un progressiste très apprécié par la communauté noire et l'intelligentsia locale. Toutefois, pour empêcher les dealers de drogue de pénétrer dans les enceintes scolaires, il a décidé de doter les élèves de cartes d'identité. Ouais, je vois. Et cette mesure irrite les militants de la SL. Exactement. Car pour eux, c'est du fichage policier. Et ils décident de l'abattre. Attendez, ce qu'ils vont faire, effectivement ? Oui. Ils le tuent en novembre 73 avec une petite invention à eux. Des balles au cyanure. Et tout de suite après, il célèbre l'acte de naissance de l'ASL en publiant un communiqué où le pauvre Foster est traité d'insecte fasciste. C'est parfaitement absurde. Ah, surtout injuste. D'ailleurs, l'effet déplorable produit par cet assassinat est immédiat. Tout le monde condamne, à commencer par les leaders des mouvements noirs, tels Angela Davis. Mais les gens de l'ASL s'en moquent. Ce qui compte pour eux, c'est que leur minuscule organisation jouit désormais d'une notoriété nationale. Toutefois, l'ASL est victime d'un premier pépin. Deux membres du groupe sont arrêtés. Et pour leur participation à l'assassinat de Foster ? Oui. Et De Vries et les autres envisagent une deuxième action afin de faire libérer leurs deux compagnons. Ce qui me paraît complètement illusoire aux États-Unis. Et vous avez parfaitement raison. Mais vous l'avez déjà compris, les membres de l'ASL et surtout leur chef n'ont pas un comportement très rationnel. Et c'est alors qu'ils vont imaginer un grand coup, de leur point de vue en tout cas. Ouais. Il vient là, c'est l'enlèvement de Patricia Hearst. Oui, une action symbolique. La presse du groupe Hearst représente pour eux ce qu'il y a de plus détestable. Le sensationnel, le sang, le sexe, ce qu'on appelle là-bas la presse jaune. Et puis, il y a le conservatisme des Hearst. Avant-guerre, le fondateur William Randolph Sr. a ouvert ses colonnes à Hitler. Et il a exprimé ses sympathies pour le nazisme. Quant à son fils qui tient maintenant les rênes du groupe, c'est un conservateur résolu, très anticommuniste, et qui a autrefois soutenu l'action du sénateur McCarthy. Et en outre, c'est forcément un kidnapping qui voudra à la SL les grands titres de la presse. Ah oui, ça compte pour De Vries. Mais il n'espérait sans doute pas que l'affaire prendrait une aussi curieuse tournure. C'est en 1951 que meurt William Randolph Hearst Sr. Son fils, le père de Patricia, lui succède. Il porte les mêmes prénoms que son tyrannique père. Mais, de la vie générale, c'est une pâle copie de ce dernier. Et voici ce qu'a pu écrire Serge Marty dans le journal Le Monde. « J'ai vécu toute ma vie dans l'ombre de mon père. La modestie n'était pas feinte. Que ce soit à l'occasion des confidences livrées à son entourage ou dans l'ouvrage consacré à l'histoire du groupe familial, William Randolph Hearst Jr. n'a jamais nié le véritable culte qu'il portait au fondateur de la dynastie. C'est en 1887 que William Randolph Hearst Senior s'était vu confier par son père George à un important sénateur de Californie qui avait fait fortune dans les mines d'argent, la direction d'un modeste quotidien de la côte ouest des États-Unis, le San Francisco Examiner. Un cadeau inattendu que George Hearst avait reçu comme titre de paiement partiel sur une dette de jeu contractée par l'un de ses partenaires de poker. C'est à partir de ce premier quotidien que William Randolph, rapidement passé sur la côte est, devait bâtir un important groupe de presse et camper un personnage très controversé, immortalisé à l'écran par Orson Welles dans son célèbre Citizen Kane. Par respect pour son père ou par crainte de voir son mythe s'effondrer, William Randolph Hearst Jr. avouera plus tard qu'il n'a jamais voulu voir le film. Usant de leur contact universitaire, il n'a pas été trop difficile aux membres de la bande de découvrir l'adresse de Patricia Hearst. Parce qu'elle ne vivait pas avec sa famille ? Non, elle n'appréciait pas beaucoup le château familial aux 100 pièces. 100 pièces. Ouais. D'ailleurs, il faut le noter tout de suite, cette jeune fille de 19 ans avait un caractère rebelle. Dès l'âge de 16 ans, elle était renvoyée du collège religieux où ses parents l'avaient placée parce qu'elle fumait de la marijuana. Ensuite, elle avait quitté la demeure familiale et s'était installée chez son fiancé, Steve, un jeune professeur de philosophie. Et puis ça, ça n'a pas dû plaire aux parents. Hein. Les parents, effectivement, très conformistes, très moralistes, et qui n'avaient vraiment rien en commun avec Steve, qui professait des opinions de gauche et même d'extrême gauche. Ah, je sais. Patricia avait aussi refusé d'aller au bal des débutantes, qui rassemblaient toutes les jeunes et riches héritières de la région. Mmh. Bref, elle était plus ou moins en guerre avec sa famille. Bon, enfin, c'est classique, hein. Oui, je suis d'accord. Et dans les milieux étudiants, ça devait se savoir. Alors, pourquoi s'attaquer justement à elle ? Parce qu'elle vivait au dehors de sa famille et surtout hors de ce château très protégé. Ah oui, c'est une cible, quoi. Ouais. Et puis, c'est une simple hypothèse. Les militants de la SL se sont peut-être dit qu'en raison de ses idées non conformistes, Patricia ne se conduirait pas comme une victime ordinaire. Mais comme une complice ? Pourquoi pas ? Et ça expliquerait bien des choses, mais enfin, poursuivons. Au début du mois de février 1974, une femme blanche sonne à la porte de la maison de Patricia. Elle a eu un accident, elle a besoin de téléphoner. Ah oui, alors Patricia ouvre. Bien entendu. Ouais. Mais deux hommes noirs surgissent derrière elle. Steve est battu, tandis que sa fiancée est traînée à l'extérieur. Puis, malgré ses cris, elle est jetée dans une auto qui démarre aussitôt. Le père de Patricia est rapidement prévenu. Mais deux jours durant, les kidnappeurs restent silencieux. Et la police pense que la jeune fille a été enlevée par des extrémistes noirs. Mmh. Oui, logique. Mmh. Et quand les vrais kidnappeurs se manifestent-ils ? Ils ne tardent pas trop. À peine Hearst Jr. a-t-il lancé un appel télé et radiodiffusé que l'ASL publie un communiqué très menaçant pour la vie de Patricia. Un communiqué qui est vraiment pris au sérieux ? Naturellement, parce qu'il y a le précédent de l'assassinat de Foster. Mais pour l'instant, l'armée de libération symbionnaise n'émet aucune revendication. Cependant, derrière les mots de ce communiqué laconique, on peut penser qu'on a affaire à une organisation importante et bien structurée. Et c'est confirmé quelques jours après. Un nouveau communiqué ? Un colis déposé au domicile de Hearst avec un message enregistré de Patricia. La jeune fille déclare qu'elle est, je cite, « une prisonnière de guerre ». Ses geôliers exigent contre la libération de leur otage que les Hearst distribuent $70 de vivres à tous les indigents de la baie de San Francisco. Et ça, ça fait beaucoup de monde? Ben, il y en a jamais que des centaines de milliers. Et ça représente au total une somme absolument colossale. Des dizaines de millions de dollars. Peut-être même des centaines. Et ça, c'est quand même une exigence complètement inédite dans un kidnapping. En effet. Mais c'est aussi beaucoup plus que les Hearst, aussi riches soient-ils, peuvent payer. Toutefois, les parents de Patricia font un premier geste. Et via une fondation, il distribue dans les bas quartiers pour près de 2 millions de dollars de victuailles. Ce qui provoque, vous imaginez bien, une pagaille indescriptible. Parce qu'on se bat pour s'emparer de ses vivres. Naturellement, et c'est très mal organisé. Ouais. Est-ce que ça aboutit, toutefois, à satisfaire les militants de cette redoutable armée symbionnaise? Ah bah pas du tout. Et après avoir observé un long silence, les révolutionnaires symbionnais réclament une nouvelle distribution. Ah oui. Au fait, ils ont renoncé à demander la libération de leurs compagnons? Assez vite, oui, parce qu'ils ont compris que c'était complètement irréaliste. Et ils vont exiger des distributions de vivres supplémentaires. Et les Hearst consentiront? À 5 reprises, oui. Mais la famille n'est pas au bout de ses surprises. Fin avril, ça dure presque 3 mois après l'enlèvement, une nouvelle bande magnétique est adressée à une station de radio locale. Patricia y annonce son ralliement à la cause révolutionnaire de l'ASL. Et du même coup, elle accable ses parents, qui sont des menteurs, qui exploitent le peuple. Enfin, je résume, bien sûr. Oui. Et ce message paraît sincère ou bien donne-t-il l'impression d'avoir été extorqué? Eh bien, contre toute attente, il semble bien que Patricia ait pris librement sa décision. Et elle en donne une preuve spectaculaire en joignant à cette bande une photo où, souriante et déterminée, elle pose, fusil d'assaut à la main, devant un drapeau de l'ASL, figurant un cobra à 7 têtes. Donc elle ne semble nullement contrainte. Autre chose, dans cet enregistrement, elle affirme qu'elle se nomme maintenant la camarade Tania. Tania, ça ne vous dit rien? Pourquoi ça devrait? Bah, c'est le petit nom de la dernière compagne du Tché. Ah ouais, donc c'est pas un hasard alors. Bien sûr que non. Ces gens-là veulent de toute évidence s'identifier à Guevara et ses guérillos. Pour le père de Patricia, c'est certain, sa fille a été victime d'un lavage de cerveau. Oui, parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Et ce faisant, il prépare sans le savoir la future défense de Patricia, mais... N'allons pas trop vite. Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît? Bon. William Randolph Hearst va avoir un nouveau choc, une 15aine de jours plus tard, à la mi-avril. 5 braqueurs attaquent une banque à San Francisco. Ils emportent 10 milliers de dollars. Enfin, l'important n'est pas là. Une caméra a filmé les braqueurs. Et on reconnaît parmi eux, armés, Patty Hearst. C'est une nouvelle preuve qu'elle a choisi volontairement d'être un soldat de l'ASL. Bon, encore qu'elle aurait pu être obligée de participer à ce hold-up. Bah, mais et son arme, alors? Bah, elle pouvait ne pas être chargée. Mais tout ça, je dois l'avouer, est tiré par les cheveux. Non, sur ce film, Patricia donne vraiment l'impression de faire corps avec le commando de braqueurs. Sa famille, bien sûr, est accablée. D'autant que le ministre fédéral de la Justice déclare que désormais la jeune fille est considérée comme une criminelle de droit commun. Et vous l'imaginez, c'est pain béni pour la presse populaire. Mais pas la presse Hearst, quand même. Non, mais pour la concurrence qui s'en donne à cœur joie. Et puis au fond, c'est une sorte de revanche. Ah oui, là, au fond. Comme vous dites, la famille Hearst est victime du système qu'elle a inventé. Exactement. Ouais. Et ici, il faut noter un point très curieux. Un journal qui n'appartient pas au groupe Hearst publie une information très troublante. La police savait que Patricia allait être enlevée. Une information sûre? Oui. La police avait trouvé dans une maison où des gens de l'ASL étaient passés un carnet où le projet d'enlèvement était mentionné. Bon, ça signifie en tout cas que l'ASL a été surveillée par la police. Surveillé et peut-être même infiltré, mais un petit peu de patience. Mystère. Peu de jours après le hold-up, Patricia réplique à son père dans un communiqué. Non, elle n'a pas subi de lavage de cerveau. Ah, nouvelle confirmation. Bon, et les jours qui vont suivre seront très éprouvants pour la famille Hearst. À la mi-mai, la police et le FBI, qui ont mobilisé des centaines d'agents pour retrouver l'héritière du groupe Hearst, repèrent la planque de l'ASL. Une maison située dans le ghetto de Watts. Los Angeles. Hein. Et il est décidé de donner l'assaut. Plus de 500 policiers vont y participer. Naturellement, les télévisions de la côte ouest filment le spectacle en direct. Le spectacle, enfin, quand même. Non, je n'exagère pas. C'est Hollywood, en vrai. Des milliers de balles sont tirées de part et d'autre. Mais parce que les assiégés se défendent. Oui, mais enfin, ça tourne très mal pour eux. les forces de l'ordre finissent par lancer des grenades incendiaires. La maison s'embrase, et quand enfin les policiers peuvent y pénétrer, ils trouvent 6 cadavres complètement carbonisés. Mais celui de Patricia Hearst fait-il partie du lot ? J'ai trouvé, dans les archives de Radio France, un article de Pierre Desproges relatant l'assaut contre la maison où s'étaient réfugiés les membres de l'ASL. Desproges, qui était alors journaliste à l'Aurore, je le cite. Un petit pavillon de bois plutôt gracieux à la limite du quartier noir de Los Angeles. Dedans, une poignée d'exaltés de la sinistrement fameuse armée de libération symbionnaise. Barricadés, cernés de partout, munis d'un attirail guerrier redoutable, leur butin glané au cours de leurs opérations révolutionnaires. Et puis, dehors, la police locale, épaulée par le FBI qui donne l'assaut. 6 morts. Et la grande question, Patricia Hearst est-elle parmi eux ? Telles étaient les données de la folle nuit que des millions d'Américains ont vécu en direct, car toutes les télévisions nationales l'ont retransmise à chaud. Au départ, un coup de fil anonyme vers 5h du soir prévient la police que 5 ou 6 jeunes ont attaqué un supermarché et qu'ils viennent de se réfugier dans le pavillon. Une première voiture de police approche des lieux. Vérification de routine. Mais aussitôt, un feu nourri l'accueille, tirs de fusil, rafales de mitraillettes et même quelques grenades. En pareil cas, la police ne tergiverse pas, c'est tout de suite l'assaut. Une giclée de grenades lacrymogènes s'engouffre par les fenêtres, le pavillon est une vraie poudrière. En un instant, tout saute dans un feu d'artifice infernal. Les yeux fous de terreur, une femme noire sort en gesticulant, hurlant « ne tirez pas, j'étais leur prisonnière ». La maison n'est plus qu'un brasier à la tombée de la nuit, mais on tire encore du rez-de-chaussée. C'est alors que la rumeur s'enfle et se déforme. C'est l'état-major de l'armée symbionaise qui lutte dans cette fournaise et Patricia Hearst est à l'intérieur. Mais vous le savez bien, la riche héritière a échappé au massacre. Un vrai coup de chance. Figurez-vous qu'elle était allée avec un couple membre de la bande, les Harris, faire des courses à 20 kilomètres de Los Angeles. Mais des courses à la symbionesse, si j'ose dire. Ça signifie quoi, ça ? Ben, un vol minable dans un magasin de sport. Un vol de chaussettes qui a d'ailleurs failli très mal se terminer. Surpris en flagrant délit, le couple a dû fuir et Patricia Hearst a été obligée de couvrir leur retraite en tirant une rafale en l'air. Ah oui, donc, c'est une preuve supplémentaire de son implication. Oui, enfin pour l'instant, on attend les résultats de l'autopsie pratiquée sur les corps carbonisés. Des analyses difficiles, car l'incendie a été très violent. Toutefois, après une longue attente, les résultats tombent. Patricia n'est pas morte brûlée vive. Qui a succombé, alors ? Donald Defries, le pseudo-maréchal Cinque, et 5 autres militants de l'ASL. Et parmi eux, un homme dont on apprendra un peu plus tard qu'il était l'amant de Patricia. Une question avant de poursuivre. Est-ce que cet assaut était justifié ? Vous voulez dire qu'on aurait peut-être pu essayer de capturer les gens de l'ASL vivants ? Ben oui. À mon humble avis, c'était possible. La police et surtout le FBI disposaient de matériel tel que des gaz incapacitants. On peut donc se poser des questions. Il était peut-être préférable qu'ils soient tous tués. Oui, parce qu'ils auraient pu parler. Par exemple. Enfin, on y reviendra. Ah. Est-ce que cet événement tragique, scelle la fin de l'existence de l'ASL ? Son déclin, certainement, mais pas sa fin. Après 3 semaines de silence, Patricia se manifeste dans un nouveau message parlé. C'est une véritable déclaration d'amour pour cet homme mort à Watts et un hommage aux autres militants qui ont péri. Elle y ajoute quelques mots haineux pour sa famille qu'elle ne veut jamais revoir. Et ensuite, alors ? Les rescapés de l'ASL, qui sont d'ailleurs rejoints par quelques nouveaux membres, plongent dans la clandestinité. On sait seulement que pour vivre, ils commettent des petits hold-up dans des banques. Toutefois, l'un d'eux, à Sacramento, tourne mal. Une cliente est tuée par l'une des femmes de la bande, Emily Harris. Et Patricia Hearst était présente ? Oui, elle était au volant d'une voiture qui devait assurer la fuite des braqueurs. Complice donc ? Absolument. Ce hold-up a eu lieu en avril 75. Patricia Hearst n'a plus que 5 mois à vivre en liberté. Et à ce moment-là, où réside-t-elle ? Elle partage alors un appartement de San Francisco avec les Harris. petite vie tranquille. Tous les matins, Patricia fait son jogging. Une nouvelle preuve qu'elle n'est pas prisonnière. Ah, pas le moins du monde. Mmh. C'est ce que noteront les policiers déguisés en hippies qui la surveillent et interviennent en septembre 1975. En septembre, ça fait 18 mois après son enlèvement. Hein. Et elle est arrêtée ? Oui, oui, aussitôt inculpée. Et après avoir fanfaronné dans un premier temps, elle adopte ce qui sera longtemps sa ligne de défense. Elle affirme qu'elle a toujours été menacée de mort. Mmh. Et cette fanfaronnade, alors ? Lorsque le juge devant lequel elle comparaît lui demande sa profession, elle répond « guérilla urbaine ». C'est pas très malin, surtout si elle déclare ensuite avoir été contrainte. En effet, d'autant que l'opinion est contre elle. À part la presse Hearst qui la soutient, oui, elle est jugée très sévèrement. Policiers et magistrats sont persuadés de sa culpabilité, car il apparaît qu'elle a eu de nombreuses possibilités d'échapper à ses prétendus geôliers. Mais Patricia s'accroche à sa version. Victime de violences et même d'abus sexuels, dès le début de sa captivité, elle a subi un vrai lavage de cerveau. C'est peu crédible, tout ça. Ça, c'est ce que je pense. Et pour la confondre, les autorités judiciaires lui tendent un piège en utilisant des méthodes peu reluisantes. Quoi ? Des micros dans sa cellule. Ah ouais. Avec ses compagnes de détention, Patricia se livre. Elle n'est aucunement repentie. Bien au contraire. Elle parle avec exaltation de ses aventures avec les membres de l'ASL. Ses aventures sexuelles, peut-être. Mais oh, c'est pas un procédé très légal, quand même. Hein. Certes, mais il corrobore des confidences que Patricia a eu l'imprudence de coucher sur un journal intime retrouvé dans sa planque. Ça, et puis des billets de banque provenant du hold-up de Sacramento. Billets saisis dans cette même planque qui peuvent lui valoir des années et des années de prison. Je crois que la peine maximum était de 35 ans de détention. Oui, une paille. Alors, comment se passe le procès ? Il débute fin juin 1976. Bien entendu, Patricia est redevenue la sage jeune fille qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Même si vous m'avez dit que son adolescence avait plutôt été rétive. Hein. C'est juste. Enfin, poursuivons. La famille Hearst a mobilisé ce qui se fait de mieux en avocat de la défense. Toute une batterie de légistes, tous plus brillants les uns que les autres. Et alors, ils vont plaider le lavage de cerveau. Ah oui, pas seulement. Ils invoquent la violence subie et surtout le fameux syndrome de Stockholm. Ah oui, cette sorte de sympathie qui peut naître entre un otage et son ou ses ravisseurs. Oui, oui, cependant en face, le procureur est implacable. Et il dispose de nombreux arguments. Et de preuves, hein. Et Patricia a beau essayer d'apparaître comme une blanche colombe, une naïve victime de terroristes à demi-fou, ça a du mal à passer tant les accusations sont graves et concordantes. Mmh. Elle est donc condamnée. Hein. Reconnue coupable, oui. Mais avant de prononcer sa sentence, le juge, à la demande de la défense, fait procéder à un examen psychiatrique de l'accusée. Patricia est donc internée pendant 3 mois. Entre-temps, le magistrat succombe. Crise cardiaque. Un nouveau juge est donc nommé, forcément. Un magistrat beaucoup plus clément qui la condamne à 7 ans de prison, mais ne s'oppose pas à une remise en liberté provisoire contre une énorme caution. Et pourquoi cette liberté provisoire ? Parce que Patricia n'en a pas fini avec la justice. Elle doit aussi répondre de la fusillade devant le magasin de sport. Mais là aussi, elle fait l'objet d'un verdict étonnamment clément. 5 ans de liberté surveillée. Là, vous pensez que le poids de la famille Hearst n'est pas étranger à cette clémence. C'est certain. Enfin, je vous passe les détails des batailles juridiques qui suivent. Toujours est-il qu'en 1979, le président Carter commue sa peine. Elle est donc libérée et ne sera restée en prison que 21 mois. Mmh. La famille Hearst, toujours. Et l'influence considérable de son groupe de presse. Plus tard, Patricia se mariera avec l'un de ses gardes du corps et publiera un livre où elle accablera les membres de l'ASL et se présentera sous son meilleur jour. Mmh. Mais si je vous entends bien, elle a menti, enfin, au cours de ses procès, même dans ce livre. J'en suis pratiquement sûr, mais c'est difficile d'avouer qu'on a été manipulé. Et puis, elle a vraisemblablement aimé cet homme qui est mort au cours du massacre de Los Angeles. Donc la vraie raison de son adhésion à l'ASL, ce serait l'amour. C'est ce que je crois, oui. Mmh. En tout cas, elle s'est donc complètement réconciliée avec les siens, avec sa famille. Oui, ouais, parce qu'elle avait besoin d'eux pour sa défense. Et puis, être héritière d'une famille aussi riche, c'est un sort plutôt enviable, non ? C'est plus confortable que de partager les jours des militantes de l'armée symbionnaise, même avec un bel amant. Alors, il est temps d'en venir aux questions. Les vraies questions que pose cette affaire. Ouais, vous m'avez laissé entendre là, que la clé, c'était ce maréchal Cinque. Donald DeFries, oui. Je vous ai dit qu'en prison, il avait créé une association culturelle. Mais en fait, ce n'est pas lui qui a pris l'initiative, même s'il en est devenu le chef. L'idée lui a été suggérée par un autre noir, un nommé Colston Westbrook, un drôle de type. Pourquoi ? Ce Westbrook avait un passé plutôt curieux. Ancien militaire, il avait servi en particulier au Vietnam, mais pas dans l'armée régulière, non. Il avait appartenu à une officine très discrète, un faux né de la CIA, dont l'activité principale était l'élimination de Vietnamiens suspectés d'appartenir au Vietcong. Des assassinats, en effet. Autant vous dire que ce Westbrook n'était pas un gauchiste. Bon, à l'inverse de tous ces noirs radicaux qui se politisaient en prison, sous l'influence des mouvements comme les Black Panthers. Oui, et là, vous insinuez que les bons rapports entre DeFries et Westbrook étaient suspects. Insolites, en tout cas. Ouais. Mais DeFries aurait pu ignorer le passé de Westbrook. Là. C'est juste, mais ça ne change pas grand-chose. Ce Westbrook, qui avait gardé des rapports avec les services secrets, a vraisemblablement chargé DeFries d'infiltrer ce qui allait devenir l'ASL. Mais pour le compte de qui, hein? Le FBI. J'en mettrai ma main coupée. Les autorités états-uniennes étaient alors très inquiètes. Tous ces mouvements radicaux, la violence, les attentats, il leur fallait des informations. Et mieux, en infiltrant ces organisations clandestines, elles pouvaient se livrer à des provocations afin de retourner l'opinion. N'oubliez pas que c'était Nixon qui était au pouvoir. Nixon, amateur de coups tordus, qui a dû laisser les coups des franches au FBI. Donc, selon vous, hein, DeFries aurait été une taupe du FBI ? Et après sa trop facile évasion, il a été accueilli avec enthousiasme parmi ces jeunes intellectuels blancs, un peu naïfs, qui rêvaient de fraternité avec les Noirs. Et c'est lui qui les aurait conduits à user de la violence ? Exalté comme ils l'étaient, ils n'ont pas dû être difficiles à convaincre. Étonné, leur première action, cet assassinat de Marcus Foster, est-ce que ça ne ressemble pas à une provocation ? Parce qu'elle a profondément choqué les Noirs. Oui. Et l'enlèvement de Patty Hearst, alors ? Bah, une folie, une énorme folie. Que vous expliquez comment ? DeFries, qui était franchement paranoïaque, a dû finir par se prendre vraiment au sérieux. Et il a imaginé ce coup de sa propre initiative. C'est-à-dire sans en référer au FBI ? Je le pense. Mmh. Et à Washington, on s'est affolé. Kidnapper la fille du patron du groupe Hearst, ce n'était pas rien. D'autant que Hearst était un ami politique. Alors, il a été ordonné de se débarrasser le plus vite possible de DeFries. D'où le massacre de Los Angeles, là ? Ben, il fallait qu'il ne soit pas pris vivant, évidemment. Mais quand même, Patricia Hearst aurait très bien pu se trouver dans cette maison, hein ? Oui, alors, il y a parfois, on le sait bien, des dégâts collatéraux. À ma connaissance, le seul, en France du moins, qui a esquissé cette troublante hypothèse est l'ancien journaliste de Libération, Philippe Gavy. Et cela dès 1975. Mais, pour ma part, je ne peux pas en dire plus.